gamin, c'est comme ça que les légendes arrivent. Toujours au but pour foutre la merde, c'est pas un rêve. C'est garanti hardcore, sans port, sans trêve. Pas grave si vous êtes pas assez brave, organisez une grève. Le son de la rue, des tours, des blocs, des cellules, des parloirs là. Putain de production de la bombe, ouais c'est déjà mort. Je vous donnerai un carreau au cimetière ou dans la cour d'un ferrailleur devant une M3 sans moteur. Sans mentir, beaucoup d'apprentis rappeurs cassent du sucre par derrière. Sont loin d'être à la hauteur, loin d'avoir les couilles, loin d'être au poids, loin d'être au point. Restez loin de moi pour pas finir les dents en moins. J'ai trop la dalle et les dents longues comme le grand blanc dans les dents de la mer. Beaucoup d'MC font rire comme le grand blanc alias Pierre Richard. Je reste comme nos types by nature, fist en face en Crazy Earth. Prendre de la concurrence, faire des pas dans son Crazy Horse. J'ai le fun comme Doobie, SMC déjanté comme son Doobie. Sans stéréo, Dolby ou mono, peu importe le format, venu pour faire mal. Si t'as ouvert ta gueule, crois pas que j'ai oublié ma formule. Niquez les tocards dans les rimes de merde, sans le formol. Ils arrivaient pas à suivre alors que j'ai le vent de face. Je ferai qu'accentuer mon avance quand j'aurai d'un bon sens. Parle pas de tenir la distance à un gars qui depuis 10 ans tient la place. Tu crois que je sors de nulle part, demande à tes sauces. Demande à tes sauces, demande à tes sauces. Ne demande pas que je m'inspire. J'étais déjà là avant ce qui t'en fait connaître le truc. J'étais déjà là au tout début, fils, j'ai pas l'intention de partir. Même si ça fait mal au huc, pas l'intention de m'enfuir. Juste l'intention de remettre la leur, c'est putain de pendule.